Acte 5. Scène première. Il fait nuit. Le père Ubu dort. Entre la mère Ubu sans le voir. L'obscurité est complète. Enfin, me voilà à l'abri. Je suis seule ici, c'est pas dommage. Mais quelle course effrénée! Traverser toute la Pologne en 4 jours. Tous les malheurs m'ont assailli à la fois. Aussitôt partie cette grosse bourrique, je vais à la crypte m'enrichir. Bientôt après, je manque d'être lapidée par ce bougre-là et ses enragés. Je perds mon cavalier, le palota Giron, qui était si amoureux de mes attraits qu'il se pâmait d'aise en me voyant. Et même, m'a-t-on assuré, en ne me voyant pas, ce qui est le comble de la tendresse. Il se serait fait couper en deux pour moi, le pauvre garçon. La preuve, c'est qu'il a été coupé en 4 par Bougrelat. Pif, paf, pan. Ah, je pense mourir. Ensuite, donc, je prends la fuite, poursuivie par la foule en fureur. Je quitte le palais. J'arrive à la Vistule. Tous les ponts étaient gardés. Je passe le fleuve à la nage, espérant ainsi lasser mes persécuteurs. De tous côtés, la noblesse se rassemble et me poursuit. Je manque 1000 fois périr, étouffé dans un cercle de Polonais acharnés à me perdre. Enfin, je trompais leur fureur, et après 4 jours de course dans la neige de ce qui fut mon royaume, j'arrive me réfugier ici. Je n'ai ni bu ni mangé ces 4 jours. Bougrelat me serrait de près. Ah, enfin, me voilà sauvée. Ah, je suis morte, de fatigue et de froid. Mais je voudrais bien savoir ce qu'est devenu mon gros polichinelle. Je veux dire, mon très respectable époux. Lui en ai-je pris de la finance. Lui en ai-je volé des rixdal. Lui en ai-je tiré des carottes. Et son cheval à finance qui mourait de faim. Il ne voyait pas souvent d'avoine, le pauvre diable. Ah, la bonne histoire. Mais là, j'ai perdu mon trésor. Il est à Varsovie. Il ira le chercher qui voudra. Ah, attrapez la mère Ubu, coupez les oreilles.